À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, la maison d'édition d'État de timbres a fait paraître un timbre individuel qui figure le drapeau du commandant suprême flottant au vent et le fusil, avec à l'arrière-plan le mont sacré de la révolution Baekdu.